les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gamozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogamozo.eu. Bonjour auditeurs des Vosges samedi, et oui auditeurs, auditrices, auditeurs, et oui, dans cette période de la première quinzaine de mai, il y a un événement incontournable si vous ne l'avez pas encore fait. Alors bien sûr, ça ne sera pas la fête de la jonquille, c'est tous les deux ans et c'est pas en 2018, mais en revanche, tous les ans, il y a à la Bresse le festival de la sculpture, et ça tombe en général d'ailleurs dans la période de ce grand week-end de l'Ascension. Alors, 2018, là, on est gâtés, puisqu'effectivement, cette première émission, vous l'écoutez le premier week-end de mai, à savoir le samedi 5 mai, avec la rediffusion le samedi 12 mai. Et il se trouve que dans cette période, eh bien, vous avez le mardi 8 mai, nous avons justement le jeudi 10 mai, Ascension, et ensuite le week-end du 12 et 13 mai, et rediffusion donc de cette émission des Vosges samedi du 5 mai, rediffusion le 12 mai. Mais c'est toujours à la date de la première diffusion que vous pourrez nous retrouver sur nos sites. Et oui, donc, Festival de la sculpture, et qui mieux que une personne chargée de la communication sur cette prestation culturelle ô combien intéressante, à savoir Charlotte Zimmer, pour nous en parler. Bonjour Madame Zimmer. Bonjour. Alors, c'est bien la semaine du week-end de l'Ascension que se passe le Festival de sculpture. Et plus précisément du 5 au 13 mai. Du 5 au 13 mai. Ça commence samedi. Et ça commence effectivement le samedi 5 mai. Alors, pour les personnes qui, exceptionnellement, mais ils s'en trouvent toujours, qui ne connaîtraient pas en quoi consiste le Festival de la Sculpture, parce que nous sommes écoutés aussi sur le Grand Nancy, des milliers d'étudiants, et puis des touristes qui viennent dans le secteur. Qu'est-ce que c'est le Festival de la Sculpture à la Bresse ? Alors, pour faire simple, ça existe depuis 1990 et c'est un symposium de sculpture, donc, qui compte cette année 25 sculpteurs, professionnels plus élèves, de 10 nationalités différentes. Et donc, le but, c'est de créer une œuvre d'art en 9 jours. Alors, œuvre d'art, chacun crée son œuvre d'art. Oui, chacun crée son œuvre d'art, oui. Et donc, vous redites combien de sculpteurs avec les élèves et combien de nationalités cette année ? Alors, en tout, on a 25 sculpteurs de 10 nationalités différentes. 10 nationalités différentes. Donc, quasiment tous les continents sont représentés, presque. On peut dire ça, presque, oui. Et puis, quand on dit sculpture, les matériaux. Alors, justement, il y a des sculptures en bois. C'est d'ailleurs comme ça que le festival a commencé, mais maintenant on retrouve aussi des sculptures sur pierre, sur métal et même des associations de plusieurs matériaux. Et quand vous parlez d'élèves, alors ça s'adresse donc, les sculpteurs sont des professionnels? Oui. Qui sont sélectionnés comment? Alors par un jury, donc il faut candidater, faire un dossier de candidature, présenter son projet rapidement, et ensuite un jury se réunit et choisit les meilleurs, enfin les préférés, quoi. Et le projet, il se définit comment ? Alors, chaque année, on a un thème différent. Cette année, c'est le regard. Et donc, voilà, c'est à eux de nous proposer un projet spécifique au thème, selon ce qu'ils en pensent. Et du coup, ça engendre forcément plein de points de vue différents. Et si ça met une semaine, le festival, alors je dis le festival, donc pour utiliser un terme un peu simple, parce que ça commence donc le week-end du 5 et 6 mai, et ça commence par quel type de prestations ? Alors, en fait, on a déjà les sculpteurs sur pierre qui travaillent depuis lundi matin. Parce qu'évidemment, la pierre, c'est un matériau un petit peu plus long à travailler. Et ensuite, le samedi, ben, on a les bois, le bois, le métal, tous les autres. Et ça se passe où? À l'intérieur de la Bresse, justement? Alors, on a plusieurs sites spécifiques et ça se passe notamment sous la halle patinoire et à côté de la halle des congrès. Mais on a également des activités qui se passent à la maison de la Bresse. Parce qu'alors, on voit ce... Disons qu'en journée, bien sûr, hein, puisque la nuit, les personnes ne vont pas travailler à la lampe frontale. Mais on voit donc les spectateurs, les auditeurs, s'ils veulent venir, quelle que soit l'heure en journée, bien entendu, voient l'élaboration de l'œuvre par le sculpteur. Oui. Et l'intérêt, quand vous parlez justement de la halle patinoire, c'est qu'effectivement, quel que soit le temps, ils annoncent un grand soleil. C'est génial. Oui, heureusement. Mais quel que soit le temps, ça se passe pas sous la pluie, quoi. Oui, ils sont à l'abri, du coup. Et ensuite, deuxième question, essentielle, hein, pas avare mais économe. Combien cela coûte-t-il pour ceux qui viennent voir? Alors, ça ne coûte rien du tout. Et, donc, c'est gratuit. Et simplement, pour les personnes qui veulent, on a une billetterie de soutien qui coûte, elle, 2 euros. Alors, en quoi consiste justement cette billetterie de soutien? Alors, du coup, on achète le billet qui coûte 2 euros. Ensuite, ben, du coup, on nous soutient. Et en plus de ça, on peut voter pour le prix du public. Donc, on peut voter pour sa sculpture préférée. Donc, dans le cadre de cette prestation, donc de ce billet de soutien, il y a le prix du public, oui. Parce que il y a donc deux prix de combien de prix discernés? Alors, on en a plusieurs. On a le prix du public, le prix du jury, le prix des jeunes et le prix de la plus belle vitrine. Ah, alors on va décliner. Alors le prix du jury, le jury est composé, bon les grandes lignes bien sûr, est composé de quel type de personnes ou d'institutions peut-être? Alors c'est un jury spécifique, oui, que je ne connais pas encore. Et donc oui, voilà, c'est le choix leur appartient. Le prix du public, c'est donc toutes les personnes qui achètent le billet de soutien, qui peuvent voter pour leur sculpture préférée. Le prix des jeunes, ça va être les scolaires et puis tous les enfants qui nous rendront visite. Et le prix de la plus belle vitrine, c'est en rapport avec Exposons, donc, qui est un dispositif dans lequel on met des œuvres d'art d'artistes locaux dans les vitrines de la Bresse. Donc en fait, toute la ville est mobilisée, la ville et puis peut-être même un peu au-delà, est mobilisée donc pour ce temps fort que représente cette semaine de l'Ascension où a lieu ce festival de sculpture dans les vitrines. Et il y a d'autres endroits, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, des entrées de bars, des entrées de restaurants. Non, c'est plutôt des vitrines de commerce ou de tabac de presse, de pharmacie. Enfin, il y a plusieurs vitrines. Qui donnent donc sur l'extérieur, oui, 24 heures sur 24. Et justement, au niveau des jeunes, par rapport à un jeune qui viendrait, je dis n'importe quoi, une famille qui vient de Remiremont, ou qui vient de Nancy, ou de Metz, ou de Strasbourg, ou au-delà, ils peuvent voter dans le cadre de ce jury des jeunes? Oui. Donc, ils se présentent à vous et en fonction de... Oui, voilà, ils peuvent déjà venir participer aux différentes animations qui sont prévues pour les enfants. À savoir qu'on accueille environ 600 élèves dans le scolaire et aussi le public les jours fériés. Alors, donc, les jours fériés, ben, c'est truffé de jours fériés, je le rappelais. Donc, oui. vous allez avoir du monde. Ça va tourner au centre aéré, ce festival. Non, je plaisante parce que c'est très convivial. Mais il y a le mardi 8 mai, c'est férié. Oui. Alors, il y a bien sûr le dimanche 6 mai, c'est un dimanche, je ne sais pas si c'est considéré comme férié. Mais le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai. Donc, oui. Voilà. Et donc, notamment des familles qui voudraient venir, parce qu'ils passent justement, ils ont fait des grands ponts, des choses comme ça, ils se présentent à vous et les ateliers consistent en quoi pour les jeunes? Alors, c'est surtout des ateliers d'initiation à la sculpture avec des artistes professionnels. Et donc, par contre, on conseille plutôt de faire une petite réservation sur le site de la Maison de la Bresse pour être sûr d'avoir une petite place. Mais voilà, il y a juste à venir et puis les enfants peuvent participer. Donc, la réservation, donc, le site, c'est on tapote avec ses petits doigts Maison de la Bresse. Oui. Voilà. On tombe dessus tout de suite. Et justement, cette Maison de la Bresse, qui se trouve donc à proximité, à quelques centaines de mètres, oui. Le long de la Moselotte, il y a quelque chose qui est présenté particulièrement dans cette période ? Alors justement, oui, on aura l'invité d'honneur de cette année, donc Dominique Grensinger, qui est une sculptrice qui nous vient de Lunéville. Et qui fait principalement de la sculpture en terre, et donc elle aura son exposition tout au long du festival et même après. Et justement, donc les horaires d'ouverture, autant là, elle est ouverte, bien sûr, comme je dis, en journée, hein, pas en nocturne, mais la Maison de la Bresse est ouverte de quelle heure à quelle heure dans cette période ? Alors, je ne sais plus exactement, mais elle sera forcément ouverte quasiment toute la journée le long du festival, puisqu'on accueille justement... l'invité d'honneur. Et par ailleurs, pour des personnes qui veulent se faire une petite pause, est-ce qu'il y a un coin et qui effectivement font le tour des sculpteurs, mais comme il y a près d'une vingtaine de lieux pour pouvoir admirer ces créations, il y a possibilité de manger un petit morceau, de oui. boire quelque chose. Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y aura une buvette restauration sous la patinoire aussi. Donc, en fait, on peut décider de passer... passer toute la journée, si on a envie. Voilà. Et même plusieurs jours. Non, non, c'est surtout cette ébauche, parce que on voit, si on prend le bois comme exemple, c'est d'abord un billot de bois, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et puis, on voit l'ébauche de l'œuvre, quoi. Oui, on voit une œuvre se créer sous nos yeux, en fait. Et on peut même converser, avec l'artiste. Oui, bien sûr. À condition de parler la langue, parce que parfois il y a un petit peu cette barrière, mais ils sont là pour répondre aux questions. Donc, bien sûr, il ne faut pas non plus les déconcentrer. mais... et sinon, il y a possibilité. Alors, petite question, parce qu'avec les portables, on peut prendre des photos, on peut le droit à l'image, entre guillemets, et tolérer un petit peu. Normalement, oui, on peut prendre des photos. Enfin, de l'œuvre, on va dire, de l'œuvre. Oui. Hein. Ouais, c'est... Après, si on n'est pas sûr, on demande, mais en général, ils sont d'accord, ils ne sont pas méchants. Et puis, pour les personnes qui écouteraient cette émission et qui se disent « Ah, c'est bête parce que je ne suis pas là à cette période-là », donc l'année suivante, toujours aux alentours donc, du week-end de l'Ascension, on coche sa date, mais en fait, quand on arrive à la Bresse, quand on vient à la Bresse, un certain nombre de créations nous rappellent qu'il y a ce temps fort au printemps sur ce festival de sculpture Camille Claudel, puisqu'elle est originaire, enfin disons, sa famille est originaire de la Bresse, c'est pour ça qu'elle... Oui, c'est ça, puis elle y a vécu un certain temps aussi, oui. Elle y a vécu aussi un certain temps. Et donc, parce qu'en fait, il y a des œuvres qui restent à demeure, soit en intérieur, soit en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques endroits où justement nos auditeurs pourraient diriger leurs pas pour découvrir certaines de ces œuvres qui pérennes en quelque sorte, qui sont restées là? Oui, il y en a un petit peu partout dans la Bresse. On peut en trouver près de la mairie, dans la mairie aussi, autour de la Maison de la Bresse. Et vous avez également la promenade de la Clairie qui est destinée à certaines des œuvres des années passées. Alors, cette promenade se trouve où? Elle est tout le long de la Moselotte, en fait. Voilà, donc pour en faire fait, simple. Entre la halle de la patinoire, à côté du palais des... Enfin de la halle des congrès. De la halle des congrès. C'est là qu'il y a aussi la piscine. Oui. Voilà. Et puis, si on reste sur un chemin piétonnier. Oui. On arrive à la maison de la Bresse. Oui, c'est ça. Et elle continue encore un petit peu jusqu'au rond-point, on va dire. Voilà, donc à l'autre rond-point qui se dirige vers la Chelourde pour aller loin, hein, on va dire. Oui, voilà. Pour aller très loin, vers la station de ski, pour aller loin aussi. Oui. Un peu moins loin, mais quand même assez loin. Et donc, en fait, le long de ce chemin, il y a donc des œuvres d'exposer également. Oui. Et sinon, donc, vous pouvez peut-être nous redonner les horaires, approximativement, les périodes jusqu'à quand les œuvres sont visibles, avant la remise du prix du jury, et puis également peut-être un numéro de téléphone, des sites, enfin, pour avoir les informations concernant d'éventuelles réservations, notamment pour des personnes qui viendraient avec des jeunes gens. Oui. Alors, vous pouvez désormais, dès aujourd'hui et même depuis quelques jours, voir déjà des sculpteurs en action. Donc sur pierre, ceux-là. Là, sur pierre, oui. Et puis à partir donc du samedi, c'est à partir du samedi 5 mai que... Oui, à partir du 5 mai, on aura tous les autres sculpteurs en action également. Et donc, en journée, à partir de quelle heure ils sont justement à pied d'œuvre, c'est le cas de dire. À partir de 8h, 8h, 9h, on va dire, et jusqu'à à peu près 19h le soir. Oui, donc, grand créneau. Bien sûr, ils ne sont pas tous là de 8h à 19h. Ils font des petites pauses, etc. Ouais. Mais... Il faut quand même qu'ils se restaurent, voilà. Et puis, mais il y en a toujours, en fait. Voilà. Et donc, possibilité, au niveau justement de cette restauration et de cette buvette, c'est uniquement les jours fériés ou c'est également le lundi, j'ai le calendrier sous les yeux, donc il y a le dimanche, donc le samedi et le dimanche, je pense que c'est le cas, mais par exemple, le lundi 7, le mardi, le mercredi 9, ainsi que le vendredi 11, est-ce que ça sera ouvert ou ça sera... Oui, c'est ouvert tous les jours. Tous les jours, donc en fait, voilà. D'accord. Et la remise du jury, parce que les personnes sont quand même friandes de savoir qui va gagner, même si, après, bon, une œuvre parlera à l'un, parlera moins à l'autre, ça c'est autre chose. À quel moment vous pensez donner justement ces différentes prix, donc prix du jury, prix des jeunes, prix du public, hein? Alors, normalement, les sculpteurs terminent leurs œuvres le samedi 12 et on aura la présentation officielle par les artistes de leurs œuvres. Et ensuite, le dimanche 13, vers 17h30, à la halle couverte de l'espace loisirs patinoire, on aura la proclamation de tous les prix. Et cette présentation par l'artiste, elle est publique également ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, le samedi 12, c'est terminé. Oui. Et la présentation a lieu le samedi en fin de journée. En fin de journée, oui, à 18h. À 18h. Donc, en fait, pour les personnes qui veulent voir le produit fini avec la présentation, voir la petite traduction pour les personnes qui ne parlent pas français. Donc, c'est le temps fort. C'est donc déjà le samedi 12 mai à 18h. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, les œuvres restent là, pour le coup. Oui, bien sûr. Et sinon, le dimanche 13, il y a un programme particulier pour le dernier jour de ce festival ? Alors oui, on aura une petite animation de Richard Brouard qui nous propose la dévoilation. Donc c'est un mot que lui-même a inventé. Oui. C'est très intéressant à voir. Donc pourquoi pas se déplacer ce dimanche-là si les autres jours ça coince. Dévoile. Et en fait, il nous propose une œuvre d'art faite de A à Z sous nos yeux, mais on découvre ce que c'est seulement vers la fin. C'est un petit peu magique, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. En partie, mais je pense que ça aiguise la curiosité. Oui, voilà. Après, le mieux, c'est de se déplacer pour venir voir. Et ce sera... il commence cette prestation à partir de quelle heure, le dimanche 13 heures. À 15h. Oui. De 15h à... Alors, je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais... Une petite heure, je dirais. Mmh. Et ensuite, il y a la proclamation donc, des prix. Des prix. Oui, donc à 17h30. Voilà, et puis et ensuite les jours suivants, les œuvres restent encore un peu là ou on peut les voir à d'autres endroits peut-être, parce qu'en termes de sécurité, on va pas les laisser non plus. Alors elles vont rester un petit peu là, je pense, et oui, après on s'en occupera et elles finiront comme les autres œuvres de chaque année, elles décoreront la ville de la Bresse. Voilà, c'est aussi une occasion pour découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce lieu, justement, les différentes prestations. Là, nous sommes sur la prestation culturelle, parce qu'il y a la nature, il y aurait tellement de choses à consacrer à la Bresse, mais là, c'est vraiment un temps fort qui est essentiel de communiquer, notamment pour ceux qui arrivent dans notre région et qui ne connaîtraient pas. Est-ce que vous voyez d'autres choses à communiquer, justement, à nos auditeurs? Oui. Alors, puisqu'on parlait de temps fort, on a un autre temps fort et c'est une nouveauté cette année. On organise une vente aux enchères. Alors, elle aura lieu le jeudi 10 mai, donc le jeudi de l'Ascension, et de 15h à 17h. Et en fait, ce sera l'occasion pour le public de venir, si on a envie, acheter une sculpture à prix réduit, on va dire. Alors, ça aura lieu dans quel espace, cette vente aux enchères? Alors, ça se passe à la Halle des Congrès. D'accord, donc juste à côté de la halle patinoire où a lieu les créations actuelles. Oui. Un numéro de téléphone, un site pour pouvoir vous contacter? Alors, on peut aller sur le site du festival, donc www.festival-sculpture.fr. sur lequel on peut voir le catalogue des œuvres. Donc si on veut regarder un petit peu avant. Les œuvres qui seront mises aux enchères. Oui. Et puis nous rappelons que cette initiative, communale, c'est la mairie qui a l'initiative de ce festival. Oui. C'est la mairie qui orchestre tout. Et puis aussi... que serait ce festival sans les Bressaudes et les Bressauds? Parce que c'est aussi une originalité de cette initiative par rapport à l'accueil de ces artistes. Vous pouvez nous en dire deux mots avant de nous quitter? Eh bien oui, heureusement que les Bressauds apprécient ce festival et le font vivre durant une petite semaine. Et on peut remercier également tous les bénévoles qui participent activement au festival et qui sont d'ailleurs en train de s'organiser pour que le festival démarre dans de bonnes conditions. Et puis, qui accueille les artistes qui sont accueillis chez l'habitant? Alors, c'est des bénévoles aussi, oui. Oui, c'est important. S'il y a cette gratuité, c'est parce que, par ailleurs, voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui aident. qui œuvrent aussi pour permettre cette gratuité et ce plaisir des yeux et des sens au sens large. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci à tous. Et puis, merci aussi, donc, bien entendu, à vous, Madame Charlotte Zimmer. Donc, merci à vous. Pour cette présentation. Et puis, à bientôt à la Bresse. À bientôt. Et puis on peut y aller avec les transports communs, mais ça j'en toucherai deux mots ensuite, puisque le train, via le bus TER, va jusqu'à la Bresse, à quelques dizaines de mètres d'ailleurs, de ces différents lieux dont nous venons de parler. Merci encore à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. choose my own mind. C'est un groupe de musiciens du Sillon Lorrain, hein, de Saint-Dié jusqu'à Metz, voilà, qui nous interprète Mystery Train. Eh oui, parce qu'on a une pensée justement pour ce transport en commun ferroviaire via les bus pour terminer la liaison Remiremont-Labresse, par exemple. Et on espère, et il faut faire en sorte que ça reste un service public. Et donc, pour vous, auditeurs de vos chambres, ben vous pouvez aussi participer à la solidarité avec les cheminots grévistes, en allant, entre autres, sur cette cagnotte initiée par des artistes et des intellectuels. Donc, Litchi, ça s'écrit L-2-E-T-C-H-I. Pour solidarité avec les cheminots grévistes. Un grand merci à Thomas et à Marcus pour cette mise en onde dans cette émission Les Vosges, samedi sur Radio Caraïbes Nancy, sur le Grand Nancy, et sur RGM Radio Guémouzeau, sur le Grand Remiremont. Allez, que les Vosgiennes sont belles. Oui, Dominique Walter, notre parodie favorite. Un petit extrait. À la Mirabelle, ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho, pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles. Comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis mesdames, vous vous remuez et tout le bazar est animé. Salut.